fondu le temps, marquant de son ombre l'invisible, séparant ce que nous fûmes de ce que nous serons plus jamais. Nostalgique, je parcours, voyageur en une terre étrangère, les rues de cette enfance dont je ne pensais pas m'ennuyer. Demeure immobile éthéré, sont des scènes de rire d'enfants qui répètent encore candide obéissance. Cette monotonie passée est immortelle. Ton absence de inavouable comme mon qui nous a tant blessés.